Bonsoir à vous, chers auditeurs de la radio Isanganiro, et bienvenue à l'écoute de cette dernière édition de ce 18 mars, dont voici les grandes articulations. Le rendez-vous référendaire du projet de constitution est fixé au 17 mai de cette année. Dans ce journal, vous suivrez les détails d'un décret présidentiel sorti ce dimanche 18 mars. Certains habitants de la province Muyinga demandent que le vaccin contre la fièvre jaune soit administré dans cette province. C'est au moment où la carte de vaccination est délivrée seulement à Bujumbura. Ce samedi, la formation de football Olympic Star a été battue 6-0 par une équipe soudanaise en match retour. Dans ce journal, vous suivrez l'analyse d'un journaliste sportif. Un certain Kayabira Charles a été repêché mort dans la rivière Djidji, sur la colline Kajonde, en commune Rutovu de la province Bururi, c'est sud du Burundi, le soir de ce samedi. Les circonstances de cette mort ne sont pas encore élucidées. Les détails, c'est dans ce journal. Mise en onde par Aimé Toussaint Mitebouti, à la présentation Mireille Kanyange. Bienvenue. Bonsoir, je vous le disais en titre, le rendez-vous référendaire du projet de constitution est fixé au 17 mai de cette année. Un décret présidentiel sorti ce dimanche 18 mars appelle les coalitions des partis politiques et les indépendants remplissant les conditions fixées par la loi souhaitant participer à la campagne électorale à se faire enregistrer à la Commission électorale nationale indépendante CENI du 23 mars au 6 avril de cette année. Pour ce scrutin, la circonscription électorale est le territoire de la République du Burundi sous réserve de la participation des Burundais résidents à l'étranger. Cette élection va se dérouler dans les centres et bureaux de vote et déterminée par la Commission électorale nationale indépendante et répartie sur tout le territoire. Selon toujours ce décret présidentiel signé ce dimanche 18 mars, les citoyens burundais résidents à l'étranger, le vote pour eux aura lieu au siège des représentations diplomatiques ou consulaires y accréditées suivant les modalités fixées par la Commission électorale nationale indépendante. Et pour les militaires burundais en mission de paix en Somalie et en République centrafricaine, le vote aura lieu dans les endroits déterminés par le commandement du contingent en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. Selon toujours ce décret, le projet de constitution soumis au référendum sera adopté si la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 50% plus une voix, l'approuve. Parlant toujours de ce projet de constitution, échangé sur la position du parti au référendum constitutionnel, l'état des lieux, des institutions et d'autres questions de la vie politique du pays, tel est l'objet d'une réunion du comité central du parti UPD Zigamibanga qui s'est tenue ce dimanche à Bujumbura. Selon son président, les membres de ce parti se sont déjà convenus en ce qui est de la participation à toutes les élections. Suivez Kassim Abdoul du parti UPD Zigamibanga. L'objet est donc d'échanger sur la vie du parti, mais aussi sur les questions de la vie nationale. Pour le moment, on va échanger sur les modifications qui ont été apportées au projet de constitution et nous allons échanger là-dessus et nous allons voir en quel sens on va voter, tout en sachant que déjà on s'est engagé qu'on doit répondre massivement au référendum. Et l'autre préoccupation en ce qui concerne les élections de 2020, nous allons voir ensemble comment le parti pourra déjà se préparer pour les élections de 2020 et d'autres questions diverses. C'est notamment les questions en rapport avec les droits de l'homme. C'est une question qui est très importante, surtout en ce moment où la Commission des droits de l'homme vient de sortir un rapport. Lequel rapport, vous avez vu, on a demandé aux représentants provinciaux s'ils connaissaient déjà dans leur province, quelque part se trouve un abattoir, et tout le monde a dit qu'ils n'en connaissent pas. Et c'est pour cette raison que nous, on considère ce rapport comme étant un rapport qui est mensonger, parce que cet abattoir n'existe nulle part dans notre pays. Vous organisez cette réunion où le Burundi se met vers la révision de la Constitution. Est-ce que nous pouvons savoir le point de vue de l'UPD? on va répondre au vote. Et aujourd'hui, nous allons échanger. Le parti avait déjà souhaité que cette constitution soit revue. Nous avons donné aussi nos contributions. Et aujourd'hui, ensemble avec les représentants provinciaux, nous allons voir si réellement les modifications qui ont été apportées nous satisfont. On va décider ensemble, à l'issue de cette réunion, on va décider si on doit voter oui ou voter non. Mais ce que je dois vous dire déjà, c'est que nous, aujourd'hui, on sait que nous allons participer massivement au référendum. Kassim Abdoul, c'est le président du parti UPD Zigamibanga, au micro de Charles Makoto. Le député Terence Manirambona, élu dans la circonscription de Gitega, c'est au centre du pays, issu de la coalition Amizero ya Barundi, d'être inquiété par des arrestations des membres de sa formation politique. Il s'étonne des procédures de leur arrestation. Cet élu du peuple donne l'exemple de ceux qui ont été récemment arrêtés, poursuivis pour un dossier judiciaire déjà clôturé. Ce député demande que les procédures judiciaires soient bien engagées. Suivez-le, il a été adjoint au téléphone par Eline Bell Nibigira. Il y a 3 mois qu'il y a des militants dans notre coalition qui sont arrêtés. Si j'évoque pratiquement le cas de la commune de Nyarusange, où au mois de décembre, il y a un militant de notre coalition qui a été arrêté, au mois de janvier aussi, mais aussi le 12 de ce mois. Ces membres sont arrêtés, je dirais, de façon injuste, parce qu'on colle sur eux un dossier qui a été déjà clôturé par la justice. Alors, je me demande pourquoi ces gens-là qui n'ont jamais fui, aujourd'hui, on les arrête et on les accuse aussi d'un dossier qui est déjà clôturé juridiquement. Mais aussi, la procédure par laquelle ils sont arrêtés aussi m'inquiète. Quelqu'un qui est appelé par son supérieur pour des raisons de service, mais arrivé sur le lieu et voilà que les services de l'enseignement viennent et le prend. Et ceci alors vient pour confirmer des rumeurs qui circulaient disant qu'il y a une liste qui est établie des personnes qui doivent être arrêtées. Et si la justice a encore des enquêtes à effectuer, pourquoi ces inquiétudes? Bon, je ne suis pas juriste, mais pour un dossier qui est déjà clôturé, je pense que vraiment inquiétant. Mais aussi, cette procédure d'arrestation aussi m'inquiète. D'abord, je demande que la procédure juridique soit bien suivie. Mais aussi, je demande vraiment à ce que les gens qui sont en train d'être intimidés, parce qu'on les oblige d'adhérer au parti au pouvoir, et que ces gens vraiment recouvrent leur liberté et droits civils et politiques pour qu'ils puissent vivre en toute quiétude comme tout autre citoyen burundais. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal par la page sécurité. Un certain Kaya Wirachara a été repêché mort dans la rivière Jiji, sur la colline Kajondi, en commune Rutovu de la province Bururi, le soir de ce samedi. Les circonstances de cette mort qui a emporté cet octogénaire ne sont pas encore connues, comme l'indique le commissaire provincial de police à Bururi, parlant d'un début d'enquête policière. Restant dans cette province du sud du Burundi, où 100 plans de chanvre ont été détruits sur la colline Bitanga, en commune Matana, le propriétaire de ce champ, un certain Jean-Marie Mbonima, est en cavale selon la police à Bururi, qui indique en outre avoir mis la main ce samedi même sur un certain Egide Ndereimana de Kiremba, en commune Bururi, en possession de 500 grammes de chanvre. Il est pour le moment au cachot de la police à Bururi, précise la police dans cette localité. Le Conseil national de sécurité demande que les barrières non réglementées soient supprimées. Dans un communiqué du 10 conseil du 14 courant, Silas Nguligwa, son secrétaire permanent, recommande également au ministère de la Sécurité publique de punir certains chauffeurs se méconduisant, causant ainsi des accidents routiers. Suivez. Le Conseil national de sécurité reste préoccupé par la montée des accidents de roulage à travers le pays, qui emporte les vies humaines suite au non-respect du code de la route. Le Conseil interpelle tous les intervenants dans le secteur de la sécurité routière de redoubler d'efforts afin de réduire sensiblement ces accidents. Considérant la prolifération des barrières non tarifaires sur certains axes routiers, le Conseil national de sécurité recommande au ministère concerné de les réglementer conformément à la loi, le cas échéant supprimer ce qui ne sont pas nécessaires. Silas Nguligwa, c'est le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Sans transition en province Muyinga, certains habitants de cette province demandent que le vaccin contre la fièvre jaune soit administré à Muyinga. Jusqu'aujourd'hui, la carte de vaccination est délivrée à Bujumbura, alors que c'est l'un des documents exigés pour traverser la frontière. Les détails avec Dieudonné Nzeimana. À l'entrée du centre de transit des personnes qui entrent au Burundi via le centre de transit au Kovero, frontière burundo-tanzanienne, un infirmier fait la vérification des entrées. Le carnet de vaccination contre la fièvre jaune est l'un des documents à présenter avant d'entrer sur le territoire. Les infirmiers burundais qui sont relais en permanence à Kovero, à part la vérification de la carte et les diagnostics sur les personnes en transit, n'ont pas la compétence d'administrer le vaccin. Des habitants de Muyinga demande que le vaccin soit aussi administré à Kovero même. Jusqu'aujourd'hui, pour avoir la carte de vaccination contre la fièvre jaune, il faut aller à Bujumbura, s'indignent les habitants. Si le gouvernement a décentralisé certains services, tels l'octroi des laissez-passer ou des passeports au chef-lieu de la province Muyinga, décentraliser aussi son service de vaccination serait mieux. Les infirmiers à Kovero profitent de s'exprimer à ce sujet et des voix au bureau provincial de la santé à Muyinga indiquent que l'organisation des services, les compétences et de l'apprenage du niveau central de Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Du nord du Burundi, rendons-nous au sud du pays, en province Lumonge, où 18 pompes à pédales ou actionnées par l'énergie solaire sont déjà fonctionnées, les 20 autres en cours d'aménagement en commune province Lumonge. Les bénéficiaires qui se rabattaient à l'eau des rivières ou ruisseaux s'en réjouissent et demandent que de telles pompes soient multipliées. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Entre les villages d'Opé de Mutambara 1 et 2, près du lycée communal Kayange, une pompe actionnée par de l'énergie solaire est déjà fonctionnelle. Les habitants de Mutambara, surtout les rapatriés qui sont rabattés aux eaux du lac Tanganyika ou de la rivière Murembwe, s'en réjouissent. Ils demandent que cette énergie soit permanente pour actionner à tout moment la pompe, mais aussi faut-il multiplier les pompes dans cette localité comptant près de 1000 ménages. Alors que certains habitants de ces villages se demandent pourquoi ils paient tous les 3 mois 1500 francs burundais par ménage à la régie communale de l'eau, Kashindi Sylvain, l'adjoint du chef collinaire de Mutambara, renvoie la question à ses supérieurs. Interrogé à propos, Ferdinand Nyokindi, conseiller technique au développement de la commune Rumonge et qui suit de près l'aménagement de ces pompes par le Think East Africa, dit qu'une telle mesure n'a pas encore été prise. Il conseille à ceux qui auraient déjà payé cette contribution de l'approcher pour statuer sur les cas. À cette pompe de Mutambara, l'eau est visiblement propre, ce qui n'est pas le cas à Mugomere dans la ville de Rumonge, où l'eau pompée a une mauvaise odeur selon certains habitants de la place contactés qui voudraient la réanalyse de cette eau. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. De Lumonge, rendons-nous en province Bubanza, c'est à l'ouest du pays où les femmes de cette province demandent que la journée du 8 mars dédiée à la femme soit un jour de congé. La présidente du Forum des femmes dans cette province déplore le fait que les femmes qui se sont rendues en province Kayanza pour la célébration de cette journée aient été sanctionnées par leur chef de service par des demandes d'explications. Une information que nous devons à notre correspondante à Bubanza, Spes Caritas Kabanyana. Dernier élément de ce journal, l'élimination ce samedi de la formation de football Olympic Star des compétitions africaines de la Coupe de la Confédération par l'équipe soudanaise qui s'est imposée 6-0. Et c'est vraiment une triste, selon le journaliste sportif Rachid Alfred, qui indique que l'élimination au premier tour ou au deuxième tour des équipes burundaises dans les compétitions internationales résulte du manque de moyens financiers qui hantent ces formations de football ces derniers jours. Ce journaliste sportif lance un cri d'alarme au gouvernement et ses partenaires de voir comment mettre en application la loi sur le sponsoring pour sauver ce qui reste à sauver. Suivez-le au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Ce Scolfreb m'a étonné. Dans la mesure où, au match aller, je n'ai pas eu la chance d'assister au match qui a opposé notre équipe de Muyinga, Olympic Star, et l'équipe soudanaise d'Al-Hilal Al-Obeid. Mais ceux qui ont eu la chance d'assister au match aller, qui s'est déroulé en Gozi, m'ont dit que c'est une équipe moyenne, que Olympic Star peut décrocher sa qualification si jamais ils évoluent comme ils ont évolué au cours du match de la phase préliminaire contre l'équipe burkinabé d'Ouagadougou, étoile filante. Mais ce qui m'a étonné, c'est que déjà à la mi-temps du match d'hier, on avait encaissé un carton de 4-0. C'est ce qui m'a étonné. La défaite, C'est normal dans le football. Il y a la défaite, il y a le match nul ou la victoire. Mais seulement ce qui m'a surpris énormément, c'est l'ampleur du score. En fait, le niveau de notre football est très bas. Ça, il faut l'avouer. Regardez par exemple, la saison passée, on a perdu presque une cinquantaine de joueurs, les meilleurs qu'on avait ici, dans ce championnat. Ils sont partis où? Chez les pays voisins, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, etc. Pour les remplacer, qu'est-ce que nos équipes ont fait? Puiser les jeunes dans la division des cadets, en quatrième division. Il faut chercher quoi? Le secours. Ou chez les lentilles, les Burundais qui aiment le football, qui aiment le sport, et qui ont le moyen pour encadrer ces jeunes. Moyennant quoi? Moyennant la loi sur le sponsor, qui donne plus ou moins des faveurs, des conditions plus ou moins souples pour les gens, par exemple, qui importent l'équipement sportif, qui encadrent les équipes pour les impôts et le fisc, par exemple. Il faut alléger les conditions. Tant que cette loi ne sera pas mise en exécution, je pense qu'on t'appellera toujours pour arriver à rien. Et vous saurez qu'au match aller qui s'est déroulé à Ngozi, les deux équipes, à savoir Olympique Star et Al Hilal Obeid du Soudan, s'étaient quittées sur le score vierge 2-0 but partout. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti qui a assuré la mise en onde. Une très bonne soirée à tous et à tous. Au revoir.